d'une histoire particulière. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, une histoire particulière commémore le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Il y a 100 ans, Georges Clemenceau prononçait le discours de l'armistice devant la Chambre des députés. Il devenait pour les Français le père la victoire et entrait pour toujours dans la mémoire collective. Le Centre des Monuments Nationaux et la Fondation du Musée Clemenceau proposent au public de revivre le parcours de cette grande figure de l'histoire de France dans l'exposition Clemenceau, le courage de la République, au Panthéon, jusqu'au 10 février 2019. Car il ne faut ni oublier ces grandes figures, ni les poilus qui ont combattu pour la France. La guerre sur terre et dans les airs a laissé des traces qui, même infimes, conservent le souvenir du premier conflit mondial que nous propose ce week-end Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. En 1914, l'aviation, il y a une phrase de Foch qui dit « Bon, tout ça c'est bien gentil, mais c'est un sport, hein, l'aviation, vous considérez comme... un sport. » Et puis bah, la première rupture, c'est effectivement lorsque l'aviation française, qui n'en est qu'à ses débuts, hein, il y a 15 avions, hein, enfin peut-être pas plus, et qu'il repère les mouvements de l'armée allemande et que ça va pouvoir permettre de déclencher la contre-offensive des taxis de la Marne. Et là, on commence à prendre l'aviation au sérieux. C'est l'état-major de l'armée française, hein, qui commence à être préoccupé par les incursions de plus en plus nombreuses des avions allemands, des Gotha, c'est des bombardiers qui ont un très long rayon d'action, qui bombardent la capitale de façon nocturne. Ils ne sont plus, à partir de 1917, on n'a plus de bombardement diurne. Donc l'idée, c'est de plonger le vrai Paris dans le noir complet, de simuler ce faux Paris lumineux, ces gares en activité, ces trains qui circulent, ces foyers d'usines du côté de Chelles. Et après, on se dit, bah, peut-être que les avions allemands, que les Gotha, les bombardiers, jetteront leurs bombes là-dessus. Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce sera toujours ça de gagner, puisqu'on aura, en ce temps-là, épargné la vraie ville. La grande guerre du camouflage. C'est l'explosion de Nebout de la grosse Bertha sur la maternité de la rue d'Assas. Explosion qui fit tant de victimes parmi les femmes perturbiantes. Premier épisode. Les cris que vous entendez ne sont pas ceux d'une victime, mais tout au contraire, les cris vainqueurs d'un nouveau-né qui vit, qui lutte et qui veut vivre. Le pari d'un faux pari. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. Une fausse ville comme ça, construite pour leurrer, pour duper l'ennemi, je n'en ai pas trouvé. Xavier Boissiel. La fable est intéressante parce que qu'est-ce qu'elle dit ? Elle nous dit que bah, peu importe que ce lieu ait été construit, enfin que ce leurre ait eu lieu ou pas, et peu importe de savoir si les Allemands l'ont su ou pas, l'idée c'est d'instiller le doute dans la tête de l'aviateur qui survole. Hein. Est-ce qu'il y a un leurre, est-ce qu'il n'y a pas un leurre, hein. L'idée c'est effectivement de tromper l'ennemi tout simplement. Hein. Donc que l'ennemi le sache ou qu'il ne sache pas, peut-être que tout cela participe d'une gigantesque opération d'intoxication. Hein. Mais peu importe, au total, hein, c'est bien. L'idée, c'est qu'il y ait bien, effectivement, de tromper l'ennemi, de le leurrer, de le duper, hein, de faire diversion, tout simplement. La rumeur qu'il y aurait comme ça un subterfuge, hein, ne peut qu'alimenter aussi la paranoïa de l'ennemi. Hein. Le camouflage de guerre, cette arme miraculeuse qui ne fait pas de mort, va se révéler si efficace au fil du XXe siècle que certains pays vont opposer un joli pied de nez aux armées abreuvées de technologie. Inutile donc de remonter jusqu'au cheval de Troie. Jasper Maskelyne, fils de magicien et soldat de la section camouflage de l'US Army, crée le Magic Gang au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, il trompe Rommel, le renard du désert, en dissimulant la ville d'Alexandrie et le canal de Suez grâce à de faux bâtiments et à un troublant jeu de miroirs. En Irak, on a du pétrole et des idées. Lors de la première guerre du Golfe, l'armée irakienne parvient à abuser les caméras à infrarouges et les puissants satellites américains avec des chars gonflables AMX en caoutchouc. Mais la palme du génie et de l'ironie militaire combinée revient à la Royal Air Force. celle-ci largue des bombes en bois sur des terrains d'aviation factices allemands. Histoire de signifier à l'armée du Reich que celle-ci ne maîtrisait pas encore cet art si fin et si secret du leurre et de la dissimulation. Thomas Seignon. L'aviation au début, c'est d'abord une aviation d'observation. C'est une aviation de reconnaissance. Les premiers avions armés apparaissent en 1914, mais c'est anecdotique, il y en a quelques-uns. En août 1914, il y a des petits avions allemands qui survolent Paris pour jeter des tracts. Ce sont des Taubes. Taub, ça veut dire pigeon en allemand. Et c'est une curiosité pour les Parisiens. On va louer des longues vues sur les buts de Chaumont, sur la butte Montmartre pour regarder ces avions. Et puis petit à petit, parce que la guerre est un phénomène accélérateur d'un point de vue technologique, ben les choses vont avancer très vite. En 1915, les Allemands vont aligner ses premiers chasseurs, Fokker en particulier. Les premières choses qu'on a larguées, ben c'était effectivement des tracts. Puis ensuite, on s'est mis à larguer des fléchettes par poignée. Vous voyez, le gars derrière, assis dans l'avion, il prend ça dans son sac, il largue ça comme ça. Si vous voulez, il n'y a aucune précision. Donc petit à petit, les choses évoluent pour arriver à des engins de bombardement dédiés uniquement au bombardement. Mais ça, c'est la fin de la guerre, c'est 1917-1918. Et là, 1917, donc le tournant, c'est bien sûr les premiers Zeppelins qui vont bombarder, et puis ensuite ces avions. Et il y a quand même effectivement quelque chose de l'ordre du choc, de la stupeur dans la population parisienne, qui est aussi sous le choc des canons de la grosse Bertha, qui va avoir un impact psychologique peut-être plus fort que les Gotha. Ah ben, tout d'un coup, on n'a pas bien su ce qui se passait. On a entendu un bruit énorme, n'est-ce pas, puisque c'est l'obus qui avait atteint un pilier et la nef s'est écroulée. Il y a eu une panique générale bien compréhensible. Je suis sorti, moi, mais parce que il y a une porte derrière, je suis sorti là et j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait. Évidemment, étant donné que je n'avais que 18 ans, j'étais très, très ému. Alors j'ai vu les secours qui arrivaient et j'ai surtout vu l'attitude particulièrement héroïque du chanoine Gautier qui était curé de Saint-Gervais. C'était épouvantable de voir ces corps qui étaient répandus dans la nef. Certainement que les gens se seraient moins affolés, il y aurait eu moins de victimes. Un brocard ! Doucement. Attention, là. Allez, mettez-le sur le brocard, vite. Allez, mettez-le sur la brancarde. Encarcé, de secours. Pansement. Cassure viol. Carpine, qu'est-ce que vous trouvez? Respirez. Oh, mon Paris, je te revois. Tu es donc là, toujours avec tes maisons étroites, sans obus dans leurs toits de plomb, sans pierres écrasées, sans sifflements soudains, sans morts. Oh, mon Paris. Je te reprends avec mes yeux qui ont besoin de toi. Tes pavés en fièvre, mes pas. Bonjour la Seine. Riez de toutes vos fenêtres, vieilles petites maisons des quais. Boulevard, déroulez vos rubans de boutique, vos arbres, vos autos, vos cafés, vos réclames. Jamais je n'avais vu la beauté de tes femmes qui en entrent. Alors, ça, c'est qui est en dépôt à Vincennes, donc organisation de la défense contre aéronef du camp retranché de Paris. Cet article du Crapouillot, de Galtier-Boissière, qui date de 1928, qui reproduit un graphique d'un raid d'aviation avec les postes de guet et de tir et l'itinéraire des avions ennemis, et qui fidèlement reproduit exactement ce qui s'est passé une nuit de juin 1918, et qui explique ce qu'on a mis en place pour défendre la capitale. Et dans cet article du Crapouillon, on a aussi une recension de tous les raids nocturnes d'avions sur Paris en 1918. Et on voit effectivement qu'à partir de mars, effectivement, ça s'intensifie. Vous voyez, 1er 2 avril, 11 12 avril, 23 24 avril, et puis au mois de mai, 15 16 17 18 21 22. Donc c'est quasiment tous les soirs. Et on voit avions ayant pu survoler Paris, avions abattus au cours des raids par la DCA, etc. etc. Et donc tout cela préfigure ces bombardements de masse de la Seconde Guerre mondiale. On est un peu en quelque sorte dans ce qu'un sociologue français a appelé le gouvernement du ciel. C'est le siècle des bombes qui commence. Jusqu'à mars 1918, Paris avait été déjà bombardé par avion 15 fois. Les raids d'avions dangereux des Gotha et ceux des fameux dirigeables Zeppelin furent plus sérieux par la suite. En 1916, un bombardement tua 24 personnes et en blessa 32. En 18, un seul bombardement massif fit 259 victimes, dont 61 tués, dans la nuit du 30 au 31 janvier, 59, dont 18 tués dans la nuit du 8 au 9 mars, et 204, dont plus de la moitié moururent le 11 mars 1918. La nuit, ça continue. C'est vrai. Elle est complètement déchirée. Ma tête. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à d'abord prévenir, c'est-à-dire à travers des systèmes d'écoute et de réseaux d'écoute, s'assurer que la population soit prévenue, à travers les sirènes ensuite qui vont se déclencher sur la ville de Paris pour prévenir quelques minutes, quelques heures au mieux avant. Et puis après, on va entendre un bruit, sûrement, parce que les bombardiers ils font du bruit. Et des dispositifs de guet et d'écoute tout autour de Paris, avec des guetteurs, tout simplement, des ballons captifs, qui sont tendus tout autour de la région parisienne avec des câbles, et on espère que les avions allemands se prendront dans ces câbles. Ils sont pris bien sûr rapidement dans le feu des projecteurs de la DCA, la défense contre aéronef. Cécile Coutin. Et ils peuvent être évidemment atteints. Mais ce qui va un peu sauver la situation, c'est que les Français sont très forts pour l'écoute. Et donc il y a des postes d'écoute qui, de relais en relais, préviennent la capitale qu'il va y avoir une escadrille d'avions qui va venir. Donc évidemment, on procède à un couvre-feu le plus parfait possible. Une ville plongée dans le blackout, le noir complet, le noir total. Alors, on est en temps de guerre, bien sûr, la production industrielle, elle continue, elle va son train. Et c'est problématique, puisque les hauts fourneaux, les foyers incandescents des hauts fourneaux se voient la nuit. Et je pense que, progressivement, l'état-major se dit que le camouflage, les leurres, etc., peuvent s'articuler avec cette problématique de la lumière, puisque c'est des bombardements nocturnes auxquels on a affaire. Et on en est venu à imaginer qu'on pourrait détourner ces bombardements sur une fausse ville de Paris. La lumière, c'est ce qui fait, ce qui permet le bombardement de nuit par rapport à des objectifs qui ne sont pas spécialement protégés ou pour lesquels il est quasiment impossible de faire le noir total. Une ville comme Paris, même à l'époque, faire le noir total dans une ville comme ça, c'est extrêmement difficile, en dépit des consignes qui sont données. Les journaux de l'époque, d'ailleurs, en font l'écho, mais c'est quasiment mission impossible. Donc le but du faux Paris, c'est finalement pas tant de demander à la population de faire le noir total, mais que de créer l'illusion d'une autre ville de Paris qui va attirer les bombardiers allemands dans un contexte où la navigation aérienne de l'époque est encore, là aussi, à ses débuts, ses balbutiements. Donc, j'allais dire, on navigue un peu aux étoiles et puis à la lumière. les pilotes n'ont pas de radar. Hein. Le radar, il faudra attendre 1940 hein, pour que les pilotes s'orientent. Hein. Bon, ils n'ont pas de GPS non plus, vous doutez bien. Hein. On sait, moi j'ai un ami dont le grand-père était aviateur pendant la Première Guerre mondiale qui m'avait dit que parfois, ça arrivait souvent, hein, que les pilotes s'égarent, se perdent. Et quand ils se perdaient, alors quand ils volaient le jour, ils descendaient, ils volaient en rase-motte, et puis ils allaient à l'entrée d'un village, ils allaient voir le nom du village sur le panneau. Bon, et là, je parle du vol diurne. Alors, on imagine bien ce que ça peut produire lors de l'activité nocturne. Donc, l'idée, c'est de plonger le vrai Paris dans le noir complet, de simuler ce faux Paris lumineux. On trouve la description, on tapait à la machine, hein, du dispositif avec les plans. Hein. Voilà. Donc, c'est assez clair, assez précis. On voit effectivement hein, ce qu'il en était. Hein, donc, les fausses usines, la fausse gare de l'Est, et puis des photos, hein, bien sûr. Le bloc électrique hein, qui était censé alimenter en électricité le faux Paris. On va confier tout cela à un électricien, hein, dont on dit qu'il est ingénieur, qui s'appelle Fernando Jacopozzi, qui va faire des essais hein, de simulation de lumière sur le premier étage de la Tour Eiffel, hein, en pleine guerre, et ensuite qui va avoir l'autorisation de survoler la région parisienne pour repérer quelques lieux. Et c'est donc lui qui a cette idée de simuler un faux Paris lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on voit la nuit en 1918 quand on survole la France? Eh ben, on ne voit pas grand-chose parce qu'on n'est pas dans un pays qui est éclairé comme aujourd'hui. Hein. Ce qu'on voit la nuit lorsque la lune est pleine, hein, bien sûr, on voit les surfaces argentées des lacs, des cours d'eau, des fleuves. On voit les foyers des locomotives, puisqu'elles fonctionnent à la vapeur. Hein. Alors ça, c'est quand il fait, quand le temps, ma foi, est plutôt favorable, hein, lorsque la lune est pleine. Hein. On ne voit pas grand-chose. Donc on se repère donc à ça, et puis bien sûr, hein, aux activités nocturnes, dans les foyers industriels, dans les gares. Donc l'idée de Jacopozzi, c'est de simuler une activité comme ça, dans une gare, des trains qui circulent. Alors avec cette idée qu'il faut créer un Paris lumineux, mais qui va simuler aussi un éclairage de blackout. Donc Jacopozzi, voilà, il va créer des foquets comme ça en pleine campagne, il va harnacher des chevaux avec des loupiottes comme ça, avec des lumières, hein, et donc les chevaux circulent au milieu des foquets pour hein, faire croire hein, à une activité, une gare en pleine activité, hein, mais une activité réduite, hein, puisque bien sûr hein, on est dans le cadre d'un dispositif de blackout. Donc voilà, tout est le sens du subterfuge. Enfin, il est là qu'il se situe. C'était le magicien. On retrouve ce terme partout. Elle était à Londres, aux États-Unis, en 1927. Oui, il portait beau quand même, ils avaient tous la moustache à l'époque. Non, c'était un très bel homme. Ce faux Paris lui a donné l'idée d'éclairer le vrai Paris. Et ce qui l'a fait connaître et ce lui a donné une notoriété quand même mondiale, c'était vraiment le magicien de la lumière, qui, à partir de 1925, a éclairé vraiment Paris de façon officielle. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, tous les monuments de Paris étaient dans le noir. On voit inspection aérienne pendant la guerre en avril 1918. Et là, on le voit avec l'état-major pendant la guerre en 1915. Donc ça veut dire que déjà à l'époque, il était en lien avec l'état-major. Je pense que quand c'est devenu dangereux, ils ont fait appel à lui. Véronique Tessier-Huor. Je suis la petite fille de Fernand Jacopozzi, qui est arrivé en 1900 à Paris. Et il était d'origine toscane, puisqu'il est né à Florence. Il a démarré par faire des éclairages de magasins, en peignant d'abord sur les vitrines des couleurs. Et après, il a eu l'idée de remplacer ses peintures par de la lumière. Et il s'est aperçu très rapidement, comme encore maintenant, que plus il y avait de la lumière, plus les gens étaient attirés et plus les gens allaient dans les magasins. Et son premier gros client était les magasins du Louvre. Et je pense que c'est le fait d'être de très beau dans ce qu'il faisait que l'état-major a fait appel à lui. Thank you. ce qu'on sait, c'est que Jacopo Zi s'est déjà illustré, juste avant la guerre, à la Belle Époque. C'est lui qui a illuminé le premier salon de l'auto en 1909 au Grand Palais. Donc c'est quelqu'un qui est déjà connu pour sa maîtrise de l'électricité, son art de l'illumination, hein, et il a plutôt une certaine notoriété. Donc c'est lui qu'on va voir, hein, pour faire ce faux Paris illuminé, parce qu'on pense que c'est l'homme de la situation, hein, puisqu'il maîtrise quand même, hein, effectivement, très bien ces éclairages qui sont encore... il faut bien voir qu'à la Belle Époque, on est au balbutiement, hein, on est au balbutiement de l'électricité, on est encore dans l'éclairage au gaz de tous les étages, hein. c'est le tout début, hein. Et donc là, on a quelqu'un qui maîtrise assez bien la chose, donc c'est à lui qu'on fait appel. J'ai retrouvé les premiers articles où on parle du faux Paris dans un journal qui s'appelait La Presse en 1920, où on décrivait déjà un petit peu tout ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'avant, on n'a pas... C'était top secret, en fait, c'était secret défense. Et les documents que j'ai retrouvés, il y a écrit partout secret défense. Donc c'était tabou, ce qui était un petit peu normal aussi. Mais on s'est aperçu que finalement, que les Allemands avaient un peu le même projet. J'ai retrouvé donc du courrier de l'état-major. Donc Monsieur Jacopo Zi... Donc ça a été écrit en mars 1918 et il disait « Monsieur Jacopo Zi, actuellement chargé de différents camouflages dans la région de Paris et de la banlieue, sollicite l'autorisation de survoler de jour comme de nuit les points qui l'intéressent afin de voir l'aspect exact qu'il présente au vu des avions. » J'ai une photo du reste, on le voit dans un avion. Donc il devait prendre des photos, j'imagine, en tout cas des repères pour pouvoir refaire exactement la même chose. Alors ça commence en 1918, donc après mars, après les bombardements de mars. On décide de désigner trois zones. Alors voici le plan, hein, dans les archives. Trois zones autour du faux Paris. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la banlieue parisienne n'est pas urbanisée comme elle l'est aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein. Donc on a une première zone qui est au nord-est de Paris, hein, donc dans ce qu'on appelle la plaine de France, hein, entre Roissy en France, Villepinte et Tremblay-les-Gonesse, qu'on va surnommer la zone A', hein, où on projette de construire donc une fausse gare de l'Est. On a ensuite une autre zone dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, du côté d'Herblay, où là se trouve un méandre de la Seine qui est quasiment identique à celui qui traverse la vraie ville, enfin qui traverse Paris. Et là, on projette de construire une fausse gare d'Orsay, un carrousel, etc. Et enfin, on a une troisième zone, donc au sud-est, hein, du côté de Chelles, où là, on projette de construire des fausses usines, hein, donc pour simuler une activité industrielle intense. Donc voilà, donc on a le A', B', C', on a trois zones, hein, qui sont circonscrites comme ça en région parisienne. C'est un Paris schématique, sommaire, hein, bien sûr, et donc c'est un Paris squelettique, dont il ne reste que les lumières, et pas du tout le reste. Donc on voit vaguement, hein, donc le fleuve, les gares, hein, et on peut penser que, comme les dispositifs de navigation ne sont pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui, ben, les pilotes allemands peuvent être leurrés, en fait, dupés par ce subterfuge. Il n'y avait pas beaucoup d'habitations et on pouvait facilement évacuer la population qui aurait pu être en danger. On va installer un secteur qui va de la gare du Nord et de la gare de l'Est jusqu'à Saint-Denis, et à Aubervilliers. Vous voyez, ça fait à peu près une forme triangulaire. On va reconstituer là, avec du balsa, avec des matériaux extrêmement légers, des plastiques transparents, un peu translucides, je dirais plutôt. On va reconstituer les usines d'Aubervilliers, et sous ces bâtis d'usines qui sont vraiment au ras du sol, et qui sont faits avec ces plastiques translucides, on va mettre en dessous des fumigènes qui vont donner l'impression d'une usine en activité. On va reconstituer la gare de l'Est avec un système de projection sur de faux quais de gare qui donne l'impression d'un train qui rentre en gare, un train avec ses fenêtres allumées, là, éclairées. Et puis, on va aussi mettre des petits lumignons selon un tracé qui donne l'idée de l'avenue des Champs-Élysées, de la place de l'Étoile, etc. Et le principe étant le suivant, il y aurait un gros transformateur électrique qui se mettraient en action au moment où les postes d'écoute signaleraient l'arrivée d'une escadrille de bombardiers. Donc, 20 minutes avant l'arrivée des bombardiers sur la position, sur cette fausse ville de Paris, on aurait, grâce au transformateur, donné plein feu. Donc, de loin, on imagine le pilote allemand qui voit une gerbe de lumière et qui se dit « Ah ben, toute cette zone lumineuse, c'est Paris, on approche de Paris ». À ce moment-là, on éteint brusquement toutes les lumières, donc le pilote se dit « Ah ben, on a donné l'ordre du couvre-feu », mais on laisse la projection lumineuse de la fausse gare de l'Est, on laisse les petits lumignons qui donnent l'idée de réverbère, on laisse les fumigènes qui donnent l'impression d'une usine en activité, et là, les bombardiers lâchent leurs bombes, auraient lâché leurs bombes sur un objectif qui n'avait aucun intérêt, qui n'était absolument pas la ville de Paris. Sur les trois zones, seule une zone a été effectivement construite, c'est la zone A', la zone qui est dans le nord-est de Paris, qui se trouve entre Tremblay et puis Roissy en France. Il n'y a jamais rien eu dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il n'y a jamais rien eu du côté de Chelles. Et on a des photos, on a des photos du chantier, on a des photos de la fausse gare de l'Est, on voit ces toiles qui sont tendues comme ça, on voit des chevalets avec des morceaux de bois, et puis donc on voit cette immense toile qui est tendue comme ça dans la zone A'. Et puis le dernier bombardement de la capitale, c'est septembre 1918, et puis l'armistice va venir assez vite, puisque c'est novembre. Donc ce faux Paris, ce simulacre n'a jamais été effectif, il n'a jamais servi. On n'en a pas eu besoin, finalement. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de prendre cette carte du faux Paris, de la déployer. Et alors, c'est pas au millimètre de la déployer sur la région parisienne aujourd'hui, 100 ans après, et d'aller voir un peu ce qu'on y trouvait. Alors, tout en sachant pertinemment que si j'allais du côté de Saint-Germain-en-Laye et du côté de Chelles, je n'y trouverais absolument rien. Je n'ai absolument rien trouvé non plus dans la zone A' où on avait construit cette fausse gare de l'Est. Mais l'idée, c'était de s'inscrire dans une tradition qui est celle de situationniste, de ce qu'on appelle la psychogéographie, en s'attendant à ce que le réel nous réserve quelques surprises, en s'attendant à des collusions déconcertantes et des surprises qui relèvent du hasard objectif ou de ce que Jung a appelé la synchronicité. Et effectivement, il s'est passé quelques petits épisodes assez drôlatiques, comme le fait que, par exemple, sur cette ancienne gare de l'Est, sur le lieu où cette ancienne gare de l'Est avait été construite, on a trouvé un vieux fort qui avait été construit au tout début de 1914, où des gens viennent s'amuser à jouer au paintball, donc c'est-à-dire à simuler la guerre. Du côté de Saint-Germain-en-Laye, on a trouvé un très très vieux dictionnaire dans un fossé qui datait du XVIIIe siècle et qui était ouvert à la page artifice, artillerie. Le réel est autoparodique en quelque sorte. Le Paris d'un faux Paris, avec Xavier Boissel, Thomas Seignon, Véronique Tessier-Huor et Cécile Coutin. Extrait du film « La vie et rien d'autre » de Bertrand Tavernier. Archivina Marine de Cans. Documentation Anne-Lise Signoret. Prise de son Jean-André Giannichini. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck.